suffit de l'étincelle pour allumer le fire. Jamais je te laisserai à l'eau, non, je connais ta valeur. Elle m'a rendu complètement loco. Oh, oh bébé, dis-moi, tu fais comment, comment. Aucune autre atteint le bout de ton doigt, ton doigt. Ouais, moi je te sois un roman, roman. J'en trouverai jamais des autres comme toi, comme toi. Autour de nous que ça kouma, kouma. Jamais sans ma reine, jamais sans toi, sans toi. Et qu'à 12 heures, c'est ton pouvoir, pouvoir. Fais-moi si tu l'as quand ça fait mal. Ton prénom est déjà gravé. Mais l'espace, l'eau, toi et moi ensemble, on est trop beau. Même si le monde